Je drive comme JS, ils sont faibles comme PS, j'arrive, ils sont comme Kies, cartouche comme Gries, fonce de la dénain comme Kiex, LBO Paris 2 comme Kiev. Ils ont pas arrêté d'en faire quand ils ont fait ta Porsche, négro. Tu les tues, n'as pas de force, négro. Tu t'allumes comme nous, tu l'as par force, négro. GMZ, toujours au-dessus. Tu me sens comme un satellite. Tu me verras jamais en entrevue sur Bouscapé ou sur Rappé. Il n'y a pas de Fugazi, zéro. T'es des vrais négros dans la division. Pour moi sur FUT 17, 5-0 en train de faire du sale dans la division. Équipe. J'arrive Zoulou comme Chaka Pétasse. J'suis comme N'Golo Kanté, t'étais comme Chaka Pétasse. Mélange plusieurs drogues dans ma boisson de bitch. Galère, dans la croix je me sens comme un poisson de bitch. Te mets d'accord facile en moins de 300 bitch. Dans les piles à fond. Négro, SO, le plug, LDO, équipe à fond. Négro, SO, le club, et pour gagner Pétasse. Négro, SO, le bled, Osiris, Fédé, Birdie. Négro, SO, le club, équipe. J'arrive, ils sont comme qui est-ce, car je suis comme Gries. Console, non, comme qui est-ce, LD au Paris, eux, comme qui est-ce. Ils sont pas arrivés, plus en faire, quand ils ont fait ta Porsche, négro. Tu les tues, n'as pas de force, négro. Tu t'aimes comme tu l'as, par force, négro. Comme qui est-ce, ils sont faits comme qui est-ce, j'arrive, ils sont comme qui est-ce, car je suis comme qui est-ce. Console, non, comme qui est-ce, LD au Paris, eux, comme qui est-ce. Ils sont pas arrêtés d'en faire, quand ils ont fait ta Porsche, négro. Tu n'as pas de force, négro, tu t'allumes comme nous, tu n'as pas de force, négro.